Beaucoup ont dit, moi je me sens que ça, mais au moment que tous les juifs sont pas blancs, je ne me sens plus chez moi dans ce pays. C'est plus mon pays. Parce que mon pays, c'était que, d'une certaine façon, les juifs des juifs. Quand on allait à la synagogue, on était chez nous. Mais c'était une synagogue judéo-égyptienne. Mais ceux qui n'ont pas de nationalité, ceux qui sont nés en Égypte, qui n'ont pas de nationalité, alors ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça, ils sont heureux. Ils sont heureux sur la nationalité. Mais nous, nous étions très fiers d'avoir la nationalité française. Les Français, très bien, mais que ça